bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bonjour, bienvenue au Lobster 103.0. Un lobster très niché cette semaine. Oui, cette semaine, on va écouter deux courtes sagas MP3. La première est de moi et se nomme Le Temps perdu. La seconde, Poséidon, et est écrite et réalisée par David Jusprust. Le week-end passé, je suis descendu à Québec voir mon frère et c'est lui qui m'a parlé de Poséidon, que l'on trouve gratuitement sur le site audiodramax.com et que j'ai ramassé pour vous la passer tout d'un coup. Sur ce site, il y a plusieurs séries, plus ou moins longues, dans l'espace des polars du fantastique. Donc, en revenant de Québec, après avoir passé l'après-midi avec mon frère et venu le défi d'en écrire une, ce que j'ai fait mardi et mercredi matin avant le travail, pour un enregistrement mercredi soir. Voilà, donc cette semaine, c'est simple, on écoute Le Temps perdu, que j'ai écrit et enregistré, qui dure un peu plus de 25 minutes et qui me laisse me questionner sur le temps perdu avant qu'un dramatique événement arrive. Ensuite, je vous passerai Poséidon, qui dure environ 70 minutes, dont le synopsis est le suivant. Retrouver un journal de bord enfoui sous les mers ou perdu dans l'espace donne un lien temporel unique avec son capitaine et ses péripéties. Il s'agit le plus souvent d'un lien vers le passé, mais il arrive que l'on retrouve, par le biais de fiction, des journaux offrant un lien temporel avec le futur ou du moins avec quelque chose qui y ressemble. C'est le cas des enregistrements audio du Dr Ambrosia qui, depuis la station sous-marine Poséidon, y a retranscrit ses activités avec la fonde des profondeurs. Poséidon a reçu le Grand Prix SGDL de la fiction radiophonique décerné par la Société des gens de lettres à l'automne 2012. Voilà, sans plus de fla-fla, écoutons tout d'abord ma dernière inspiration, Le Temps perdu. Place au théâtre. En 5, 4, 3, 2. Allô, test 1, 2, 1, 2. C'est moi, c'est Fred. Est-ce que ça enregistre? Oui, ça clignote. Bon, samedi 29 mai 2021. Prise de notes sur mon enregistreur pour mon nouveau livre, Le Temps perdu. Loin de la ville, loin des distractions numériques, j'ai décidé de me rendre au chalet et d'aller marcher en forêt pour m'ouvrir l'esprit sur ce qui pourrait se retrouver dans mon prochain livre. Il est 7h du matin, je marche dans un de nos sentiers qui longe la rivière. Début de mes notes. Quand je pense au temps perdu, qu'est-ce qui me vient en tête? Je pense à mon travail d'avant, routinier, dans le milieu bancaire, un travail qui était très bien payé, mais qui m'apportait quoi? Quand je pense maintenant, rien. Mais il m'aura quand même fallu 15 ans, 15 longues années avant de m'en rendre compte et de le quitter pour me consacrer à l'écriture. Dans ce temps-là, le temps perdu, c'était le temps où je ne travaillais pas. Pour mon patron, quand j'étais malade, c'était pour lui du temps perdu. Mais maintenant, rétrospectivement, le temps perdu, c'était le temps que j'ai perdu dans ce travail qui ne m'apportait rien. Le temps perdu, c'est d'accepter d'entrer dans un moule qui ne nous convient pas et d'y péricliter pendant trop longtemps. Dans mon livre, faire un chapitre qui pourrait s'intituler « Le moule du temps perdu » pour parler de ceux qui entrent dans ce type de moule et n'en ressortent qu'à la retraite. Usé. Trop content de quitter, mais qui arrive devant rien, car ils n'ont rien préparé. Ils se sont concentrés de suivre le moule que la société a inventé pour eux. Oh, je viens de voir passer un beau cardinal devant moi. D'un beau rouge, c'est la saison des amours. La forêt est remplie d'oiseaux qui paradent en ce moment. C'était une femelle, je pense. Elle est moins colorée que le mâle, mais tout aussi belle. Si on est chanceux, elle doit nicher pas trop loin du chalet. Mon père m'a dit la semaine passée qu'il avait vu le mâle venir manger dans la mangeoire. Bon, j'ai une bonne montée devant moi. Je reprends l'enregistrement de mes notes un peu plus tard. « 7h30, j'ai monté le petit vallon et je suis redescendu de l'autre côté. C'est très montagneux autour du chalet. En fait, ça monte, ça descend. C'est partout comme ça autour du chalet. On est en montagne. Mais là, je viens d'en brancher dans le chemin sur le bord de la rivière à Jean. Et j'ai pris le temps. Oui, j'ai pris le temps de regarder l'eau couler dans la rivière. J'ai regardé l'eau couler pendant plusieurs minutes. L'eau qui, elle, s'est creusée au fil du temps un chemin au travers du roc de la montagne. Ici, pas de temps perdu. La rivière, elle, a tout son temps devant elle pour se creuser un chemin qui l'amène directement où elle veut aller. Sans détour, sans flafla, sans contrainte. Et moi, est-ce que j'ai perdu mon temps à la regarder s'écouler? Non. Puis en plus, ça me fait du bien. C'est ça que je cherche. C'est ça que je dois parler dans mon livre. Des choses qu'on doit prendre le temps de faire et qui ne sont pas du temps perdu. Aussi, question à répondre pour mon livre. Comment je pourrais nommer, dans ce que je veux écrire, ce qui est à l'opposé du temps perdu? Le temps retrouvé? Le temps repêché? Non, Yark. Note à moi-même dans mes notes, chercher dans Antidote sur mon laptop l'antonyme de perdu. Trouver un nom ou une expression qui fait plus de sens. Ça me fait aussi penser, le temps perdu. C'est un poème de Jacques Prévert que mon ami Martin aime bien. De mémoire, ça se verbalisait comme suit. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste, et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil, familièrement. « Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron? » Note à moi-même, est-ce que je voudrais parler de pleine conscience dans mon livre sur le temps perdu? Être pleinement présent, observer sans juger et avec un esprit curieux permet d'effectuer des prises de conscience avec un regard plus ample. Cela induit également la possibilité de tirer de nouvelles conclusions sur les actions ou les expériences et de stimuler la créativité. Dans mon livre, élaboré sur Comment réussir à créer une habitude pour retrouver le temps perdu et comment pratiquer l'art de la réflexion en développant sa pleine conscience. Bon, je suis arrivé au nouveau chemin. Papa m'avait averti. Notre voisin de chalet s'est ouvert à un nouveau chemin cet hiver. Il fait du ski de fond hors piste. Et l'automne passé, juste avant l'arrivée des neiges, il s'est ouvert un chemin qui croise le nôtre sur le bord de la rivière. Lui, il habite juste de l'autre côté et s'est fait un petit pont en jetant deux arbres en travers de la rivière. Et papa m'a dit que ça lui permet d'aller direct en haut de la montagne et de redescendre un peu plus loin par le vieux chemin des chenaux. Est-ce que je devrais suivre son chemin pour aller voir où ça mène? En fait, ce que je devrais me demander, est-ce que je prends le temps? Est-ce que c'est pas ça un peu le temps perdu? Si je prends pas le temps maintenant d'aller voir, est-ce que je rate pas là une belle occasion? Bon, j'ai tout mon temps aujourd'hui, et je suis justement là pour ça, pour parler du temps perdu. Lâchons le bord de la rivière pour explorer un peu. Je prendrai des notes un peu plus tard. Pas de temps de perdu aujourd'hui. C'est magnifique, et les midis, le chemin que le voisin a défriché et qui serpentait au travers de la montagne nous amène directement sur le dessus, de la montagne. Là, je suis sur un petit platin qui me permet de voir au loin. C'est beau la forêt, mais c'est vert longtemps. Les gens de la ville ne savent pas ce qui manque en restant dans leur forêt de béton. Bon, je voulais juste noter pour mon livre qu'il pourrait être intéressant de parler de la sensation éprouvée dans le moment présent. Même si le temps efface tout, il ne peut pas effacer les souvenirs, car l'essence des choses reste éternelle et peuvent être ressenties tant dans le moment actuel que dans un temps éloigné. C'est donc en faisant appel à notre mémoire qu'on pourrait retrouver le temps perdu et justement échapper aux entraves du temps. Bon, ce concept serait à développer, mais c'est un bon début, je crois. Je referme l'enregistrement. Je viens de voir qu'un peu à l'écart du chemin, il y a une grosse talle de merisier dans la petite vallée de ce côté de la montagne. Je vais aller voir s'il n'y a pas des chagas qui ont parasité quelques-uns de ces bouleaux jaunes. Il y a quelqu'un au village qui me dit qu'il ramasse ce genre de champignons parasites pour en faire des thés médicinaux. Il paraît que c'est un bon antioxydant. Je vais aller voir si j'en trouve pas. Merde! Bon, j'ai trouvé des chagas, c'est une vieille forêt par ici, et merde! De courir d'abarnap pendant une heure pour découper des gros morceaux de chaga pour mettre dans mon pack-sac. J'ai pas fait attention à prendre des remarques d'où je venais. Et je retrouve pas le chemin du voisin. Là, j'essaye de me calmer. Faut que je me calme. Le chemin est sûrement juste à côté. Crise de tabarnak. Je trouve plus mon chemin. Crise de tabarnak, je suis fâché. Bon, je perds mon temps, mais je me suis calmé. C'est sûr que d'avoir tourné en rond, ça me fait réfléchir. Il est 15h34 et je me souviens d'être déjà passé à côté de cette grosse roche il y a une heure environ. Je l'ai remarqué car elle a l'air d'un éléphant avec cette longue protubérance qui lui donne l'air d'avoir une trompe. Oui, je me suis calmé car je me suis fait mal. J'ai essayé de monter dans un arbre pour essayer de voir au loin en espérant me repérer. Et j'ai juste réussi à déchirer mon jean sur le devant en redescendant. Je me suis écorché la jambe. C'est juste en surface, mais ça fait mal quand même. Et j'ai rien pour me faire un pansement. C'est pour ça que j'ai décidé d'attendre un petit peu que ça arrête de saigner. Je vais m'asseoir un peu sur l'éléphant qui est encore chaud, avec le soleil qui pointe dessus. Ah! Ça fait du bien un peu de chaleur sous les fesses. En attendant, voyons si j'ai de quoi dans mon pack-sac pour me faire un pansement. Bon. Ma gourde d'eau. Ah, celle-là est quasiment à pleine. Je l'avais chargée à rivière. Aussi, j'ai mon téléphone. Oui, j'ai mon cellulaire dans mon sac. Oui, allô, coucou. Venez me chercher, je suis perdu. Mais non, c'est pas mon cellulaire qui va m'aider. Je le traîne juste pour prendre des photos ou filmer. Je me souviens encore quand j'ai quitté mon travail informatique que je me vantais que je pourrais passer plein de bon temps au chalet, loin de toutes ces technologies numériques qui nous envahissent la vie. Que moi, dans ma grande sagesse, j'avais fait choix de pas rentrer Internet au chalet. Pas de temps perdu, que je disais. Oui, le temps perdu. C'est sûr qu'on n'a pas de temps perdu sur Internet au chalet. C'est pas difficile, on pogne rien au chalet. Il n'y a pas de réseau. Pour avoir une barre de réseau sur le cellulaire, il faut rouler 20 minutes sur la gravelle en direction du village pour pogner le signal, la première tour qui est sur le dessus d'une montagne. Sinon, quoi d'autre dans mon pack-sac? Une pomme? Une barre tendre aux noix et caramel. Une revue. Le 7 jours, ah oui, c'était pour maman. Elle m'avait dit de lui acheter et de lui laisser au chalet. Elle voulait une recette qu'il y avait dedans. Quoi d'autre? Ouais, c'est pas mal tout. Ah oui, j'espère qu'elle est là. Dis-moi qu'elle est là, dans le fond. Une fourchette, non. Oui, la fourchette est dans le fond, mais c'est pas ce que je cherche. Mais, oui, oui, elle est là! Ma boîte d'allumettes hydrofuge. Bon, c'est encore moi. J'ai pris le temps de me calmer pour vrai cette fois-là. Tantôt, j'étais encore sur un high. Là, j'ai juste peur. Je passe mon temps dans le bois quand je suis au chalet. C'est là que je me sens bien. Mais là, j'ai mal au ventre. Si je tends le bras, ma main tremble. J'ai peur de quoi? Je pense que c'est le temps de me souvenir de cette histoire que j'ai lue chez le dentiste dans un vieux Reader Digest. C'était l'histoire d'un gars, Kevin Poitras, qui s'était perdu en forêt pendant 15 jours. Un guide de survie en plus. Lui, il avait paniqué au départ. Malgré toutes ses connaissances, il s'était mis à avancer, coûte que coûte, pour en retrouver son chemin. Puis il s'était blessé en descendant une pente escarpée. Lui, c'est là qu'il s'est calmé. Pouvant plus bouger, il avait dû prendre le temps pour reprendre le contrôle sur son esprit. C'est fou ce que la peur peut faire. Bon, moi, j'ai encore peur. Bon, là, il est 19h. J'ai pris le temps de me parler, juste de moi à moi sans l'enregistreur. Je me suis dit que si je me calmais, ça allait bien aller. Mais quand j'ai vu que le soleil ne réchauffait plus Dumbo, ma roche éléphant, et qu'il allait bientôt se coucher, j'ai crié. J'étais encore fâché. Mais j'ai eu beau crier que j'étais perdu, il n'y a personne qui a répondu. Même Dumbo a pas bronché. Je me suis donc dit que si Dumbo est capable de rester ici, tout seul, puis de rester calme, je suis capable aussi. Je suis donc calmé là, et j'ai pris le temps de repenser à Kevin Poitras. Dans le Reader Digest, il racontait comment il s'en était sorti. Un refuge pour la nuit, puis un feu. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer si on se perd. Je me suis donc fait un feu, juste devant Dumbo. On dirait qu'il y a la trompe dedans. Il va pouvoir souffler sur les braises si jamais j'ai besoin. Puis pour m'abriter, j'ai ramassé des bouts de bois que j'ai juste à côté sur Dumbo. Ça va au moins bloquer un peu le vent. Faut juste pas qu'il mouille. Je vais aussi pouvoir me servir de ce bois pour chauffer mon feu, cette nuit. Ouais, la nuit qui s'en vient. J'ai peur. J'ai mal au ventre. J'ai encore peur. Il fait noir. Noir comme chez le diable. Il est même pas 10 heures et c'est noir. Un vrai noir. Pas de nuit de grande ville où il fait clair. Ici, je vois même pas à 2 mètres devant moi. C'est noir. Puis en plus, j'avais froid. Mais j'ai réorganisé mon affaire, là. J'ai bien vu que Dumbo, lui, chauffait le bout du nez. C'est là que je suis blotti en ce moment. J'ai repoussé les braises du feu un peu plus loin pour me permettre de m'installer là. Collé sur Dumbo. Il m'a réchauffé. Puis je me sens un peu mieux. Espérons que la nuit passe vite. Ben voyons donc. Mon père m'avait parlé qu'il y avait une meute de coyotes sur le dessus de notre montagne. Ben c'est vrai. Je vois des petits ronds blancs dans la forêt qui se promènent, qui regardent par ici. Moi, j'ai pas grand-chose à faire manger sur le corps. Mais Dumbo, lui, t'inquiète pas, mon croc. Je les laisserai pas t'approcher. Notre feu, Dumbo. Je sais pas si les coyotes sont au courant, mais ils sont supposés en avoir peur. Et merde! Si jamais quelqu'un trouve cet enregistrement après ma mort, dites à mes proches que je les aime et sachez que j'ai jamais abandonné Dumbo. Oh non! Dumbo, ça va être toi pis moi contre les coyotes cette nuit. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Allez Dumbo, tape avec moi. Si tu aimes le soleil, tape des pieds. Allez, tape avec ta trompe. Si tu aimes le soleil, trompe de la trompe. Allô? Oui, oui, c'est le matin et on est encore vivant. Dumbo a fait ça comme un grand cette nuit. Hein, mon Dumbo? On n'a pas dormi, mais là, on vient de déjeuner. On a mangé la pomme et la moitié de la barre tendre. Ben, Dumbo avait pas vraiment faim, mais je lui ai fait sentir la pomme et il a l'air de l'apprécier. Il a souri. Je suis content. On a réussi. On est passé au travers. Au travers de cette nuit noire. Oui, on a eu peur. C'est pas avec ma fourchette en métal cheap que j'ai gardé en main toute la nuit que j'aurais pu nous défendre contre la meute. Mais heureusement, les coyotes se sont même pas approchés. Après avoir tourné leurs petits yeux autour de nous pendant quelques minutes, ils sont restés à distance et ont finalement disparu. Et on les a pas revus. Dumbo a même lancé un cri de joie après leur départ. Oui, on forme une bonne équipe, mon gros. Et là, avec le soleil qui se lève, qui chasse le noir, je me sens juste mal, juste tout croche. J'ai mal partout. J'ai été sur les nerfs toute la nuit, et là j'en ai mal partout. Comme si on m'avait traîné dans une poche de patates sur un champ de roche pendant des heures. Mais ça fait tellement bien de juste se sentir mal, de plus sentir la peur. Oui, je me sens juste mal, puis ça me fait du bien. Note à moi-même pour mon livre sur le temps perdu. Ne plus écrire ce livre. Quelle perte de temps d'essayer de sortir de belles grandes phrases et philosophies sur le temps perdu. Non, si je m'en sors, appelez les gens du Reader Digest pour leur vendre mon histoire de « perdu en forêt ». Un homme survit pendant 30 jours en forêt après avoir sacrifié son éléphant pour le manger. Bon, en gardant toujours de vue Dumbo qui veut pas me suivre, j'ai exploré les alentours. Y a pas à dire, je suis vraiment perdu. J'ai marché dans toutes les directions et aucun indice d'où pourrait se trouver le chemin qui me ramène au chalet. J'ai beau mettre mes mains en ouvrant sur mes oreilles pour essayer d'entendre la rivière qui passe devant le chalet, j'entends rien. Je suis sûrement trop loin pour l'entendre. Dumbo, avec ses grandes oreilles, a essayé de l'entendre aussi, mais il me dit qu'il l'a jamais entendu. Il va donc falloir que je trouve une autre idée pour me départ. Mais pour le moment, j'ai pris la décision de rester ici avec Dumbo, d'améliorer mon abri et de continuer à chauffer mon feu. La fumée, ça se voit de loin. C'est la meilleure façon de laisser savoir où je suis. Mais je sais pas si quelqu'un va s'inquiéter de pas me voir revenir au chalet. Mes parents devaient m'y rejoindre aujourd'hui. Ils me demandent s'ils sont inquiets. Bon, je reprendrai des notes s'il se passe de quoi. Ça a l'air bon. Chaque semaine, Recette du Québec présente quelques mets alléchants dans votre revue hebdomadaire 7 jours. Bon appétit! Regarde Dumbo comme ça a l'air bon, du poulet grillé au romarin et au citron. C'est dans la revue pour ma mère. Dans une casserole, amenez l'eau à ébullition. Retirez du feu, ajoutez les sachets de thé et laissez infuser 6 minutes. Retirez les sachets de thé et ajoutez le reste des ingrédients, sauf les poitrines de poulet et les herbes de Provence. Laissez refroidir complètement au frigo. Ajoutez les poitrines de poulet et les laissez saumurer au frigo pendant une nuit. Préchauffez le barbecue à température moyenne et huilez la grille. Égouttez les poitrines de poulet et les épongez avec des essuie-tout. Parsemez les poitrines d'herbe de Provence et les faire cuire sur le grill 5 à 7 minutes de chaque côté. Servez. Tu penses que t'aimerais ça, Dumbo? Moi, j'ai faim en tout cas. Mais il nous manque trop d'ingrédients pour que je t'en prépare sur le feu. Nous, il nous reste juste un petit peu d'eau. Sinon, ça dit quoi de bon cette revue? Éric Bruneau et Gilda Roy en vedette dans cette série d'horreur. Après 5 premiers épisodes en février dernier, voilà que les fans de la nouvelle série Patrick Sénégal présente auront de nouveaux épisodes à se mettre sous la dent avec de nouveaux comédiens dans le cœur des intrigues. Ce seront donc 5 nouvelles courtes fictions d'une durée de 30 minutes qui promettent de donner des sueurs froides que les téléspectateurs pourront regarder. L'intrigue de ces 5 nouveaux volets, imaginés par Patrick Sénégal, tournera autour d'un riche avocat à la carrière florissante qui se perd en forêt et s'abrite dans une maison abandonnée où des visiteurs nocturnes lui arracheront ce qui lui reste de raison. Bon. Le genre de série que j'aimerais sûrement voir en ce moment sur mon cellulaire pour me changer les idées, hein? Finalement, Dumbo aimait pas trop que je lui fasse la lecture de la revue. Cette histoire de gars perdu en forêt, il aime pas ça. Mais pour mes notes, je crois que Dumbo est moins peureux qu'il paraît. Faut dire que lui, on dirait que ça fait longtemps qu'il reste dans la forêt. Il est donc un peu habitué à passer ses nuits ici. C'est pas comme moi. Mais je suis bien content de l'avoir trouvé. Je me sens moins seul avec lui. C'est sûr que c'est plus de responsabilité pour moi de prendre en charge 2 personnes, mais bon, ça me dérange pas. Là, j'avais bien chauffé notre feu et j'en ai profité pour faire une petite sieste en plein soleil pendant que Dumbo veillait. Ça fait du bien. Là, c'est à son tour de dormir pendant que je veille. J'ai décidé de sortir mon cellulaire pour jouer un petit jeu pour me changer les idées. Le cellulaire était fermé pour ménager ma batterie. J'aurais bien Pokémon Go, mais il faut du réseau pour que ça marche. Si je clique dessus, ça devrait dire « comment ça marche? J'ai du réseau? Ah ben tabarnak! Sur le dessus des montagnes, on pogne du réseau. Du chalet qui est dans la vallée, on pogne rien. T'entends ça, Dumbo? Réveille-toi! J'ai du réseau! Oui, allô, 911? Oui, je suis perdu en forêt. Oui, je suis calme. Mon nom, Frédéric Lavoie. Non, on n'est pas blessé. Combien de personnes sont perdues? Une. Oui, une. Je suis tout seul. Désolé, Dumbo. Non, non, ça va, je suis pas blessé. Oui, mon cellulaire est bien chargé. Vous allez essayer de me situer et de m'envoyer des secours? Ok, merci. Je devrais être aux alentours du... Allô? Bon, ça clignote, ça enregistre. Ouais, avant de transférer mes notes sur mon ordinateur, je voulais prendre le temps de conclure cette petite aventure. Tout a bien été. Les secours m'ont facilement retrouvé. Grâce à mon cellulaire? Non. Plus grâce à la fumée de mon feu, mais bon. L'important, c'est que j'ai été secouru juste avant la nuit. Comme vous vous en doutez, Dumbo a choisi de rester en forêt. C'est mieux pour lui. Et de toute façon, il était trop gros et trop lourd pour embarquer dans l'hélico qui m'a secouru. En conclusion, est-ce que je vais écrire mon livre sur le temps perdu? Je sais pas encore. Mais j'ai déjà été contacté par Reader Digest. Ils m'ont offert de m'acheter mon histoire. Mais si jamais j'écris mon livre sur le temps perdu, j'ai noté ces petites phrases à inclure. Le temps perdu, c'est le temps pendant lequel on est à la merci des autres. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Alors, continuons de ne rien faire. Ce que certains appellent du temps perdu est bien souvent du temps gagné. Parfois, de prendre le temps de réfléchir nous permet finalement d'aller plus vite. Cela nous évite de devoir rattraper le temps perdu. Janvier 2027. Je suis la procédure. Et la procédure veut qu'en cas de rupture de communication avec la surface dépassant 5 jours, j'enregistre un journal de bord, que je me présente, voire même que je reparte à zéro. Enfin, façon de parler. Pour l'occasion, je sors le magnétophone prévu à cet effet, dont l'apparence vétuste me rappelle un appareil analogique. Une épave, presque. Mais de ces épaves qui traversent le temps. Je ne suis qu'un simple guide, un passeur. Celui qui dirige la faune sous-marine en dehors des zones mortes. En réalité, je ne peux pas les sauver d'une zone complètement morte. Mais je peux les guider avant le déclin irréversible d'oxygène dissous. Habituer les espèces aquatiques à un code lumineux nous a pris bien des années. Mais aujourd'hui, la situation est telle qu'ils suivent la lumière de mon phare sous-marin. J'ai envie de croire qu'ils me font confiance. Mais c'est plus trivial que ça. Cette lumière les attire. Depuis mon habitacle de verre, le Poséidome modèle 001, je regarde. J'observe sous cet hémisphère translucide la zone crépusculaire. Ces méduses, ces pieuvres, les dauphins aujourd'hui un peu paumés, les baleines qui s'y aventurent. Les cnidés restent mes préférés. Peut-être parce que leur forme me rappelle celle de mon dôme, et leur bioluminescence, la lumière de mon phare. Il faudrait que j'enfile ma combi pour sortir nettoyer la paroi externe. Trop de micro-organismes s'y agglutinent à cette période de l'année. Et si je ne m'en occupe pas dès maintenant, dans un mois je n'y verrai plus rien. J'en profiterai pour voir, comme la procédure l'impose. Et ce n'est pas de mon côté que la communication déconne. C'était le docteur Ambrosia, à 237 mètres de profondeur. Janvier 2027. Toujours aucun contact avec la surface. J'ai vérifié tout l'équipement du Poseido, mais hormis le chauffage qui a toujours un peu déconné, tout semble opérationnel. Après, je ne peux pas vérifier le faisceau de communication sur toute sa longueur. Sur la partie dont l'entretien m'incombe, c'est nickel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une coupure avec la surface, mais c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. 14 jours, 15 peut-être. Ça dépend de l'heure qu'il est. Sans l'horloge du Poseidon, j'aurais perdu la notion du temps depuis un moment. Je me demande bien ce qu'ils font là-haut. En 2 semaines, ils auraient pu m'envoyer une équipe de plongée pour me tenir au courant. Après, c'est vrai que je n'ai pas techniquement besoin d'eux. Pour le moment. Depuis 2 jours, j'ai de nouveau pu localiser le Rorqual bleu. Je n'avais donc pas rêvé. Mon œil est parfois plus aiguisé que les capteurs du Poseidon. Il est encore loin, mais je pense qu'il va venir jusqu'ici. J'ignore ce qu'il arrive à bouffer, il n'y a plus rien dans sa zone ophotique. Dans le secteur 4, il y a assez de krill pour une baleine de son envergure. Encore faut-il l'amener jusque là-bas. Il lui faudra plonger au moins jusqu'à 210 mètres de profondeur et y rester sur 60 minutes avant de remonter pour espérer l'atteindre. C'est chaud. Mais c'est le seul rorqual que j'ai pu repérer en 5 ans. Le problème, c'est qu'en guider un seul ne fait que retarder l'échéance. S'il se rapproche, avec la lumière du phare, je devrais arriver à le scanner. Dans l'éventualité où il atteindrait le secteur 4, j'y enregistrerai son chant. La mélodie servira peut-être de guide pour les autres baleines bleues. S'il y en a d'autres. C'était le docteur Ambrosia. Terminé. Janvier 2027. Réveil étrange il y a de ça 3 heures. Un drôle de choc a bousculé mes étagères et foutu une belle pagaille dans mes livres, que je n'ai d'ailleurs toujours pas ramassé. C'est surtout la vibration qui m'a extirpé des profondeurs du sommeil paradoxal. Un rorqual qui se gratte le ventre à même le Poséidome, il y a de quoi trouver le réveil surréaliste. Car malgré les années passées ici, je m'attends parfois à voir le ciel juste au-dessus de ma tête. Une baleine volante. Il m'a bien fallu 2 minutes pour comprendre où j'étais et ce qui s'y passait. Le rorqual bleu se balade dans le secteur. Il retourne à la surface puis revient. J'ai pu lancer le scanner. L'ordinateur du Poseidon analyse les données. À vue de nageoire, je dirais que la baleine fait plus de 25 mètres. Ce qui est de loin l'animal le plus majestueux que j'ai pu observer jusqu'à présent. Il faut impérativement le guider dans le secteur 4. Le guider, ou la guider, c'est une femelle. Projection holographilaire à échelle 1 sur 2. Voilà. Échelle 1 sur 5. Rotation. Stop. Agrandissement 48 à 22. Une morsure d'orque. Les baleines tueuses mordent toujours. C'est une bonne nouvelle. Il y a donc eu des orques dans la zone. Échelle 1 sur 4. Rotation. Squelette uniquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Stop. Échelle 1 sur 3. Centrage 4. Agrandissement 12 à 8. Il y a un second squelette. Opacité épiderme à 50%. Elle est enceinte. C'est inespéré. Échelle 1 sur 10. Si je me fie au comportement de ma baleine bleue, d'ici quelques jours, elle devrait suivre la lumière du phare. Est-ce qu'elle a compris le trajet et sa durée? J'en ai pas la moindre idée. Je n'ai jamais guidé un cétacé de cette taille. Échelle 1 sur 1. Rotation. Je me demande à quoi ressemble la partie de l'hologramme qui se réfracte dans l'eau. Est-ce qu'en pensent les méduses? Ah, mon café est prêt. Sur ce, terminé. 5 février 2027. Toujours sans nouvelles de la surface. Mais il y a plusieurs gens. La baleine bleue, je l'ai nommée Betty, arrive et il me reste une minute pour finir d'enfiler mon scaphandre et sortir placer les dernières balises. J'ai modifié le magnétophone pour pouvoir le glisser dans ma combi. J'espère qu'il tiendra le coup. Allez, hop. Le casque. Un dôme dans un dôme. C'est parti. N'aperçois pas encore Betty. Ça devrait me laisser le temps de placer le reste des balises audio-flash. J'ai réglé la fréquence sur son champ de perception. Moi, je n'entends rien. Les pulsations lumineuses indiquent que ça fonctionne et dessinent une belle piste sous-marine d'un blanc spatial. Bordel. C'est la première fois que j'ai autant de buts dans mon scaphandre. Je commence à plus voir grand-chose. De toute façon, j'ai pas assez de réserve pour aller plus loin. Si tout se passe comme prévu, Betty continuera seule. Je branche mon sonar. Elle arrive. Je la vois. Plus que 18 minutes et c'est bon. De pompe en route. Il est temps de rentrer. Ambrosia, terminé. Je suppose que Betty s'en est sortie. Sans confirmation de la surface, je n'ai aucun moyen de le savoir. Quand on a conçu le Poséidôme, j'ai insisté pour avoir un piano. On m'a dit, Ambrosia, qu'est-ce que tu vas foutre d'un piano? Tu ne sais pas jouer. C'était l'occasion de s'y mettre. Quand j'ai expliqué que je voulais un piano à queue, ça s'est compliqué. C'est vrai que le Poséidôme ayant une aire circulaire de 78 mètres carrés, ça a alloué beaucoup de place à un loisir. Surtout qu'ici, rien n'est droit. Mais j'ai eu mon instrument. En jouant ainsi, une mélodie récurrente, j'ai l'impression d'enfermer le temps sur lui-même, de créer un espace temporel. Mais en fait, j'enferme rien du tout. C'est moi qui suis enfermé. Et en même temps, c'est ça qui est bien. Je suis sous l'eau, je suis peinard. Avec les méduses, les murènes. Sans ravitaillement, pas moyen de renouveler les filtres à air, et il me reste plus grand-chose à bouffer. Je crois bien que je vais devoir commencer à chasser. Je vais chasser des animaux que je suis censé guider et protéger. Ça devient n'importe quoi. Un moindre mal, peut-être. Comment il pourrait continuer à me faire confiance ? J'ai laissé les balises dehors, et bien qu'elles clignotent, d'ici on dirait des étoiles. Le ciel me manque. Où est la lune, elle qui était toujours au-dessus de ma tête? Ici, je suis symboliquement entouré de Neptune. Qui aurait cru qu'en si peu de temps, le mot « terre » me semblerait aussi diffus. J'ai l'impression d'être ailleurs. Et tout seul. Malgré mes lunettes à photochromie instantanée, je ferme les yeux chaque fois que le rayon du phare me passe sur le visage. Une habitude dont je n'ai pu me défaire. Sans ces verres protecteurs, la lumière me traverserait les paupières et finirait par me cramer la rétine. S'il avait été possible d'installer le phare en dehors du Poséidôme, j'aurais préféré. Mais pour des raisons d'entretien évidentes, il trône au sommet intérieur de mon dôme de verre, comme un soleil mécanique. Où est-elle? Eh bien, voilà un beau spécimen de Niduse Nemopilema Nomurai. Et j'ai le sentiment qu'elle m'observe, tout comme je le fais. Avec son ombrelle de près de 2 mètres de diamètre, son manubrium orangé et ses filaments longiformes, cette méduse ressemblerait presque à une explosion atomique vivante. Il est rare que cette espèce s'aventure jusqu'ici, c'est un peu froid. Guider les méduses est quasiment impossible puisqu'elles se déplacent uniquement sur leur axe vertical. Le courant les dépose où il veut. Le paradoxe avec celle-ci, c'est qu'il faut les laisser mourir, ou les menacer. Le moment venu, elle libère une kyrielle de méduses potentielles. Je sens qu'il y en aura d'autres. Le courant est favorable. Entouré de toutes ces espèces, et maintenant coupé du reste du monde, j'ai l'impression d'être un spécimen en captivité. Le Poséidôme n'est peut-être plus qu'un simple aquarium humain. Allez, Ambrosia, souris donc à la méduse. Depuis 4 jours, j'installe des balises audio-flash autour du Poséidôme. Elles sont mutées et leurs cadences sont suffisantes pour donner l'illusion de points fixes aux intensités lumineuses variables. C'est là tout l'intérêt. Je n'en aurais probablement pas assez. Mais c'est comme la nourriture. L'important, c'est de savoir qu'il en reste. Même juste un peu. Pendant que le compresseur remplit les bouteilles de plongée, j'ai pris l'habitude de vérifier mon œuvre. Projection holographilaire. Programme Ptolémée. Affichage des constellations hémisphère nord. Position mémoire 4. Mon substitut d'étoile polaire est légèrement décalé. Ce n'est pas grave, mais ça m'obsède. Elle doit être parfaitement alignée. Le reste est inachevé, mais cohérent. Affichage des tracés. Demain, je m'occuperai de la constellation du Dauphin. Mon ciel étoilé sera fixe. Mais c'est mieux que pas de ciel du tout. Avec de la chance, une fois terminé, je me réveillerai en ayant oublié mon installation. Et je verrai un ciel là où il n'y a que de l'eau et des lampes. D'après les capteurs du Poséidôme, la pression extérieure s'est intensifiée. Ce qui confirme ma sensation lors des dernières sorties. Une seule explication. Le niveau de la mer a augmenté. Étrangement, la lumière de la zone crépusculaire a conservé un taux identique. Un paradoxe de plus. Quoi qu'il en soit, la zone morte s'étend. J'espère avoir fini avant d'en faire partie. Ambrosia, terminé. Mon ciel étoilé est terminé. Cette voûte céleste est plus condensée que la vraie. Et les étoiles restent fixes. La distorsion due à l'épaisseur du Poséidôme couplée à la réfraction dans l'eau agrémente mon substitut d'espace d'un flou lumineux plutôt agréable. Évidemment, toutes les balises sont placées à la même distance du dôme. Seule leur intensité lumineuse donne l'illusion plus ou moins marquée d'éloignement. Beaucoup de poissons sont déroutés par l'utilisation des balises. Les plus perdus, je les ai remis dans le droit chemin. Clairement, la réalisation de mon ciel a monopolisé toute mon attention. Il est probable que certaines espèces en aient souffert. Bien que je culpabilise d'avoir temporairement abandonné mon rôle, je ne me rends pas malade pour autant. J'hésite à créer un miroir circulaire pour le substituer à la Lune. Je n'ai pas grand-chose à ma disposition, mais un des panneaux réfléchissants de secours du phare devrait convenir. Ensuite, dériver une source lumineuse assez précise pour l'éclairer. Et fabriquer un cache pour recréer les différentes phases. C'est au fond plus facile de recréer l'espace en pleine mer que l'inverse. Je vois mal un cosmos. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tiens. Ça se déplace trop vite pour être un animal. Ou alors, si j'augmente la lumière du phare, j'apercevrai peut-être quelque chose. Il y a bien du mouvement. Une silhouette étrange. Ça brille. Et ça trace. Je ne parviens pas à distinguer ce que c'est. Mais c'est grand. Un cockpit, c'est pas un submersible. Il se serait identifié. Ça ressemble plus à une navette. C'est une navette spatiale. Merde. Les volets de protection. Allez, déployez-vous, tas de ferraille. Oh bordel. La combinaison. La navette a arraché 75% des volets mécaniques. Comme s'il n'avait s'agi que de vulgaires persiennes. En même temps, je n'ai jamais entretenu ces volets comme j'aurais dû le faire. J'ai vérifié chaque centimètre du dôme de verre. Et hormis un éclat d'une cinquantaine de centimètres de large, tout est intact. Ce n'est pas le cas des appareils. Il n'y a pas si longtemps, je m'inquiétais des filtres à air. C'est bien dérisoire maintenant. Le Poséidome a basculé sur l'énergie de réserve. L'alimentation principale est complètement HS. Le phare est coupé. Ce qui est sûr, c'est que la surface m'a laissé tomber. Dans tout ça, mon piano a perdu un pied. Je vais devoir apprendre à jouer en diagonale. Évidemment, je vais réparer ça. Mais ça n'est pas une priorité. C'est quoi la priorité, d'ailleurs? Sans le phare, ce dôme ne sert à rien. C'est pas avec ma torche que je vais guider quoi que ce soit. La priorité, c'est l'air. Et donc moi, par extension. Je vais devoir libérer à la main la bouée d'alimentation d'urgence. Une belle sphère d'un mètre de diamètre qui va se hisser jusqu'à la surface et se déployer en panneau solaire. Reliée par un très long cordon ombilical électrique, elle devrait me fournir assez d'énergie pour respirer, m'éclairer un peu et faire fonctionner deux, trois trucs essentiels. Bref, survivre un minimum. Relancer le phare, c'est une autre histoire. Surtout que cette putain de navette me fait de l'ombre. Ces pleins phares vont dérégler le code lumineux. En même temps, la zone morte ne s'arrêtera pas. J'aurais beau guider la faune sous-marine en des eaux correctes, ça ne sera que de courte durée. Tout est contaminé, c'est une question de proportion. Il n'y a plus de zone saine. Sinon, la surface m'aurait prévenu. Au lieu de ça, ils m'ont abandonné ces fumiers. Faut que je me ressaisisse. Je peux pas rester affalé sur mon canapé et attendre l'asphyxie. Aucune sirène vienne me délivrer. Même si je n'ai plus aucun capteur et que je ne vois pas grand-chose, le Poséidome n'a pas cédé. Première étape, arriver à ouvrir le sas. Ensuite, lâcher la bouée d'alimentation d'Ariane. Si j'y vois plus clair ici, j'y verrai plus clair dans ma tête. J'ai reconstitué le ciel et les étoiles, après tout. C'est normal que je me sois pris une navette dans la gueule. Ambrosia. Terminé. J'ai démonté le panneau intérieur d'une des deux portes pneumatiques du sas. En perçant les câbles d'air qui alimentent les pistons, je devrais pouvoir forcer l'ouverture. Inutile d'ouvrir les deux portes. Même avec ma combinaison, j'aurai la place de passer. Et pour faire un trou précis, rien de mieux qu'un carreau d'arbalète aquatique. Je pourrais évidemment sectionner le câble avec une pince. Mais c'est bien plus chiant à réparer qu'un trou. Ça pique. C'est parti. Ça pue, ce truc. Je ne m'attendais pas à de l'air pur non plus. Bon. Maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à utiliser l'ouverture mécanique. Je vais enfiler ma combi et installer le magnétophone dedans. Ça va couper, donc. J'ai pu ouvrir la porte sans trop de difficultés. Les volets de protection sont éparpillés un peu partout autour du Poséidome, comme des pétales métalliques tombés à l'automne. Les serpents de mer ne vont pas tarder à squatter. Dans le genre procédure d'urgence optimale, le déploiement de la bouée solaire répondant au doux nom d'Ariane est en trois temps. Récupérer, puis connecter par en dessous le câble qui va faire transiter le courant et lâcher la bouée. Évidemment, faut pas se gourer dans l'ordre. Si le câble était branché directement, ben, y aurait qu'une étape. Le déploiement est le moment le plus délicat. Un caisson hexagonal maintient la bouée, et il faut dévisser 6 écrous avant de pouvoir ôter le couvercle et la libérer. Encore une méthode d'urgence bien pensée. La bouée est superbe. Une sphère chromée, légèrement dépolie à cause du temps. Je la libère. En la regardant monter vers la surface, parmi mes balises clignotantes et leur lumière qui s'y reflète, j'y vois une lune. Celle que je n'ai pas eu le temps de construire. Elle file. Je l'envie. Ariane n'a pas besoin de respirer. J'espère qu'elle se déploiera correctement une fois à la surface. Sinon, je vais crever. Demain, j'irai jeter un œil dans l'épave. Ambrosia. Terminé. Ariane a déployé ses panneaux photovoltaïques sans encombre. Je regrette qu'il n'y ait pas de caméra intégrée. Ça m'aurait permis d'observer un peu la surface. J'ignore si j'ai toujours sous-estimé la puissance des panneaux solaires ou si l'ensoleillement est aujourd'hui particulièrement propice, car j'ai pu remettre en route 60% du dôme. Je peux également, contre toute attente, faire fonctionner le phare. Mais pour ça, je dois lui dériver toute l'énergie, y compris l'alimentation en air. Je ne peux donc pas respirer et quitter en même temps. À moins d'être dans ma combinaison. D'ailleurs, j'y suis. Le phare n'a par contre pas assez de puissance pour atteindre les relais sonores. La lumière seule n'est utile que pour les espèces qui voient. Pour les autres, le relais miroir transforme le signal lumineux du phare en onde sonore. Si je ne peux pas atteindre ces relais, je couvre une zone assez ridicule. En plus de ça, les axes de rotation sont légèrement faussés. Pour le moment, j'orientais le balayage du phare vers l'épave. Ça devrait m'aider à y voir plus clair, là-bas. Je sais pas combien il reste de pans de mémoire dans le magnétophone. Ça m'inquiète. J'ai l'impression que c'est mon seul lien avec le temps. Je n'ai pas encore écouté ce que j'ai fait. Je ne sais même pas si c'est possible. À première vue, ce modèle de navette ressemble à un transporteur de classe A. En plus petit, en plus anguleux aussi. Je ne sais pas ce qui a heurté ce vaisseau, mais vu le trou laissé dans la coque, c'était du sérieux. Je doute que le Poséidome soit responsable d'une telle déformation. Le nom du vaisseau est recouvert de crasse et de poussière brûlée. Il est écrit Ambroisie. Une raison de plus pour aller y jeter un œil. Je verrai bien ce que j'y trouve. Le faisceau de ma torche est un peu léger. À cette profondeur, c'est difficile de distinguer clairement les choses. Tout l'équipage est mort. Enfin, c'est ce que je suppose. Je n'ai pas encore atteint la cabine de pilotage. Sur les 8 passagers, 3 semblent avoir péri lors de la collision avec un objet ou projectile que je n'ai pas encore identifié. Les autres se sont noyés. D'après leurs uniformes, il devait s'agir de scientifiques. Je crois même reconnaître Cassio, une ancienne collègue, botaniste. Mais je surinterprète peut-être les traits de ressemblance de cette noyée. Le laboratoire du vaisseau n'est que peu endommagé, mis à part le fait qu'il soit inondé. Les appareils sont évidemment irrécupérables, et la plupart des données sont probablement perdues. Mais les plantes contenues dans des bocaux autonomes sont intactes. Je n'avais pas vu de telles fleurs depuis longtemps. Encore moins une rose rouge. Je la ramène avec moi. Elle est vivante. La lumière du phare traverse l'épave et dessine des ombres anguleuses et aiguisées. Je les évite, de peur qu'elles ne me coupent. La navette a été traversée de part en part. La cabine est dans un piteux état. Le pilote est mort et flotte dans un simili d'apesanteur, noyé lui aussi. Je me demande s'il s'est volontairement dirigé vers la lumière du Poséidôme avant que la pression ne brise sa vitre. La boîte noire semble intacte, par contre, je n'arrive pas à l'extraire. Ça y est, c'est plus encombrant que je ne pensais. Je vais d'abord apporter la rose. Je reviendrai chercher la boîte noire ensuite. Ça en fait des couleurs. Un dauphin. C'est un peu profond. Avec la vitre brisée, je n'arrive pas à voir s'il me fixe. J'ai l'impression qu'il est équipé d'une sorte de combinaison, de harnais. Le phare faiblit, la nuit doit tomber. J'aurais bien de le couper avant qu'il ne vide complètement les écus. Ambrosia, terminé. Hier, le phare a complètement épuisé les batteries de secours. J'ai dû rester dans ma combinaison avant de pouvoir respirer à même le Poséidôme. Avec la bouée photovoltaïque, le phare est devenu un soleil par procuration. Avant, le jour et la nuit ne m'importaient qu'en fonction des espèces. Maintenant, c'est différent. J'ai quasiment fini de connecter la boîte noire à l'ordinateur principal. C'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre. J'ai réparé mon piano avec une grosse pile de livres. En observant la photo d'hier, je distingue plus ou moins un dauphin. Et aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai toujours le sentiment qu'il revêt une combinaison biomécanique. Mais c'est probablement un débris de navette qui s'est coincé sur lui et que je fantasme. Son chant ressemblait à une mélodie. Un peu comme celle-là. Avec mon attaque, évidemment. Ici, Yaz Leader. Ah. Vous me recevez ? Impossible de se poser sur XOP-51. Ceinture de spatio. Trop drôle. Négatif. Nous faisons demi-tour. Devant cela, sans franchir. Dommage l'équipage en péril. Approchons maintenant la ligne de Kármán. Coefficient de densité normale. Nous traversons la loupe. Nous sommes à 40 000 pieds. Des météorites. Je demande autorisation. Ce ne sont pas des météorites. Ce sont des... des morceaux de glace. Pour mon appart. Merde ! La coque est trop cassée. Négatif. Contrôle. Nous devons amérir. Impossible. Procédure d'urgence. Yes Leader à contrôle. L'eau est en train de s'infiltrer. On peut plus rien faire pour l'équipage. Je sais pas si c'est moi ou si j'ai des clans, mais il y a une étrange lumière en fond. Ah. C'est foutu. Il s'en passe des choses là-haut. Ça a l'air pire qu'avant. Comment il s'y est pris, lui, pour se prendre un iceberg ici? Je comprends rien. Qu'est-ce qu'ils allaient foutre avec des plantes dans l'espace? Peut-être que ça n'avait rien à voir avec la mission. Ou peut-être qu'on a volontairement omis de m'exposer les programmes de colonisation des exoplanètes telluriques. C'est quoi cette loupe dont il parle? Les conflits opposant ceux qui veulent quitter la Terre à ceux qui veulent la sauver ont dû mal tourner. Avec un budget mondial commun, c'est pas étonnant. Jusqu'à peu, certains d'entre nous n'étaient considérés que comme des allumés ou des terroristes écologiques. De là à penser que nous ayons été perçus comme un frein à la survie de l'espèce humaine en voulant préserver la Terre, il n'y a qu'un pas. Si se barrer est devenu techniquement possible, Le faire en laissant toute la merde derrière soi semblerait bien une prise de conscience collective moderne. Cela dit, je doute qu'il y ait quelque part la place pour 8 milliards de nuisibles. Le programme Poséidon, comme d'autres, a été abandonné, et leurs penseurs avec. Pourtant, le dôme de verre pourrait ressembler à une planète. À l'instar de Saturne et de sa ceinture d'astéroïdes, il y a ici une ceinture de poissons qui gravite et m'entoure, bien qu'elle s'essouffle, et moi aussi. Qu'importe. Maintenant, j'ai une belle rose rouge. En réalité, elle doit paraître bordeaux. Le correcteur de lumière du dôme n'est pas parfait et à force de baigner dans le bleu, cette dominante est devenue neutre pour moi. C'est un rouge profond, vif. Ça fait du bien. Il m'a semblé entendre du bruit. Probablement une machine qui déconne, pour changer. Ambrosia. C'est le troisième jour consécutif où je ne ferme pas l'œil de la nuit. Et même du jour. À moins que ça ne soit le quatrième. Pourtant, je viens de me réveiller. Ça n'a pas de sens. Si je ne dors pas, je ne peux pas me réveiller. Soit je dors sans m'en rendre compte, soit je crois me réveiller. La jungle animale, comme si vous y étiez. Peut-être que ça ne marche pas sous l'eau. Mais c'est pas désagréable comme écoute. Ça change un peu. Ça me rappelle des trucs. Je parle doucement parce que j'ai besoin de rester discret. Il y a quelqu'un d'autre dans le dôme. Du moins, c'est l'impression que j'ai, parce qu'en réalité, il ne peut y avoir personne. Pourtant, j'entends du bruit, des pas et des craquements étranges. Si petit soit mon espace, chaque fois que je jette un œil, il n'y a rien. Enfin, presque. Hier, j'ai aperçu une silhouette vers la cuisine. Avant-hier, peut-être. S'il y a quelqu'un, curieusement, il boit mon café pendant que je dors. Sauf que je ne dors pas. Et pour prendre un café, il y a sûrement plus simple que de venir squatter un dôme sous-marin. Alors, pourquoi mon café disparaît-il? L'explication la plus simple serait que je n'en ai plus, mais que je l'oublie. D'ailleurs, les tasses sont propres. Parfois, je suis sûr de sentir l'arôme spécifique du café. Mais c'est clairement mon imagination. Est-ce que les bruits en font partie? Je dois être logique. Je bouge peu de mon canapé. Je reste assis face aux profondeurs. J'attends. Mon secteur semble s'éclaircir. La zone deviendra tôt ou tard limpide. Parfois, je doute de l'existence même du Poséidon. Mais ça ne dure jamais plus d'une poignée de minutes. Du délire paranoïaque. Quand je sens cette présence, j'hésite à me retourner. Comme maintenant, j'ai l'intime conviction que je vais me prendre un coup sur la tête. Rien de plus, rien de moins. La rose rouge, souvent, j'oublie qu'elle est là. Éveillé ou non, ces derniers temps, je fais souvent le même rêve. Je marche sur un océan gelé. D'abord avec précaution, puis je prends confiance et ne regarde plus le sol translucide. Je fixe l'horizon infini. Mon souffle humide se propage et devient une brume épaisse, traversée par la lumière bien qu'il n'y ait pas vraiment de soleil. La glace commence à se briser. Je le sais, mais je ne fais rien. J'attends. Et puis ça casse d'un coup. Un grand cercle fissuré et je tombe, happé par le fond. Les morceaux de glace me suivent et me coupent, avant de m'entourer comme une sphère de verre dans laquelle je finis par me noyer dans l'air. Là, je me réveille. Du moins quand je dors, sinon je sursaute. Ambiance. Mon corps se bruit, là j'en ai marre. J'ai préparé mon arbalète aquatique, mais le mieux, c'est encore de rentrer en contact. Ça a assez duré tout ça, inutile de balancer mes livres et de boire mon café en douce. On peut discuter, autour d'une tasse, même vide. Moi, c'est Ambrosia, c'est chez moi. Et c'est ma vie maintenant. Alors, plutôt que de guetter dans l'ombre, venez. Pas de réponse. Évidemment, puisqu'il n'y a personne. Pourtant, je sens quelque chose. Putain, il est là. Il n'y a qu'un carreau, mais je vise bien. Jetez votre arme et je poserai mon arbalète. Je l'ai saisi par formalité. D'où venez-vous? Comment êtes-vous rentré? Oh! Sans déconner, je vais tirer. J'ai réglé la tension au maximum. Un peu comme cette situation. Ce serait plus agréable de discuter, non? Tu veux pas? Bah va te faire foutre. Putain, ils sont plusieurs maintenant. Je connais ce visage. Où est-ce que je l'ai déjà vu? Dans la navette? Non. Non, non. C'est moi. C'est mon reflet. Fragmenté. Ça fait 3 jours que je traque mon putain de reflet. L'explication la plus simple est toujours la bonne. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? Ce bruit, je le perçois distinctement. Oh non. À une autre époque, aurais-je cru que la Terre était plate? Aurais-je eu l'intuition qu'elle était ronde? Aujourd'hui, j'ai l'impression que la Terre a changé. Le soleil se lève parmi mes étoiles et le Poséidon prend l'eau. Colmater la fuite. Rien ne tient. Je laisse couler. J'attends. Le niveau d'infiltration ne devrait pas dépasser la hauteur du trou, soit 1m82. Mais l'alimentation en air est déjà noyée. D'une manière ou d'une autre, je vais avoir du mal à respirer. Finir est souvent plus difficile que commencer. Et je vais finir ici, avec toutes les espèces que je n'ai pas sauvées. La zone morte a toujours très bien porté son nom. C'est l'explication qui m'obsède. Comprendre ce qui se passe ou s'est passé à l'air libre. Enfin, libre. Est-ce qu'ils ont quitté la Terre ? Est-ce que la guerre a éclaté ? Les deux ? Peut-être que tout est mort, les arbres, les oiseaux, les humains. Je suis peut-être le dernier. Seul. J'ai de l'eau jusqu'au mollet. La fissure s'agrandit, c'était prévisible. Qu'est-ce que je vais foutre si l'eau atteint mes poumons ? J'aimerais avoir la force de me noyer sans gigoter, attendre que ça vienne et que je parte. Mourir avec l'élégance d'un samouraï. Pour m'en inspirer, j'ai posé mon antique katana et ma rose sur le piano. Par faiblesse, j'ai aussi placé ma combinaison, au cas où je voudrais un peu de répit en bouteille. Je pourrais sortir du Poséidome. Si ma combinaison est conçue pour maintenir une pression constante, je ne suis pas sûr de pouvoir remonter avec. Je n'ai ni propulseur, ni palme adaptée. C'est une combinaison étudiée pour opérer à la périphérie du dôme, avec une réserve d'air limitée. Bref, ce n'est pas conçu pour ça. J'ignore ce qui m'angoisse le plus. Finir noyé dans le Poséidome ou asphyxié dans ma combinaison au milieu de nulle part. J'ai aperçu plusieurs fois le dauphin que j'avais croisé dans la navette. Je ne l'ai pas vu faire d'aller-retour régulier à la surface. Il a toujours son espèce de combinaison. Quoi que ce soit, ça ne semble pas le gêner. Et je ne sais pas comment il reprend de l'air. S'il a une technique, je serais peut-être preneur. Encore que... Je suis presque résigné, maintenant. Je suis assis dans l'eau. Ça monte vite, c'est pas plus mal. Et le phare continue de tourner et tourner dans cette rétine de verre qui regarde vers une surface invisible. Ça me gonfle son ronronnement. Il ne sert plus à rien, de toute façon. les mains dans l'eau. Le son du glas. Un son de glace. Oh, c'est bien étrange. Voilà que le dauphin tourne autour du dôme. Avec le peu de lumière, je distingue à peine sa silhouette. Mais il est bien là. Il m'observe apparemment. Est-ce la musique qu'il a tirée ou la disparition du phare ? Une curiosité. Pour un dernier spécimen. Ah ! Ma rose fout le camp. Le bocal flotte. Merde. Je n'ai fait que l'éloigner davantage. Comme plein de choses. Le magnétophone ne va pas tarder à finir immergé. S'il ne reste plus personne, ce n'est plus très utile d'enregistrer de toute façon. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? Il peut péter le dôme ou bien ? Et il recommence. Ah bravo ! Peut-être qu'il essaye de me faire comprendre quelque chose. Ou peut-être qu'il veut me tuer. Merci. Super. C'est la fin. Oh, et puis merde. Si je m'étais décidé plus tôt, ça aurait été plus simple d'enfiler ma combinaison au lieu de me contorsionner sur le piano. Adieu, Poséidon. Regarde-moi monter parmi nos étoiles. Ah! Je me suis accroché au câble de la bouée solaire. Le fil d'Ariane me guidera vers la surface. Je grimpe parmi mes constellations artificielles. Et les bulles d'air de ce qui reste du Poséidon me dépassent comme des flocons de neige qui tombent vers le haut. Ma rose est restée coincée. Dommage. Le câble tangue légèrement, mais je parviens à me hisser. En dessous de moi, le verre brisé. Au-dessus, la surface de l'air. La pellicule non stagnante gazeuse. Le monde est à l'envers. Je vais revoir le soleil. Dehors, en hiver, quand les flocons tombaient, J'aimais rester debout et attendre. Laisser la neige me recouvrir, comme le reste. Et faire enfin partie d'un tout, comme un arbre. J'ai de plus en plus chaud dans ma combinaison. Pourtant, l'océan glacé m'obsède. Être emprisonné d'un iceberg, voilà un fantasme dérisoire. Le Poséidon m'aurait-il donné le besoin d'être confiné dans un espace translucide, avec sous les yeux l'horizon infini. Jamais assez d'air. J'ai toujours su que ça finirait comme ça. Et pourtant, je ne suis pas si loin. En plus, il faut que cette merde me pète les oreilles. Il y a peut-être moyen de respirer encore un peu. C'est une combinaison étanche, après tout. L'isolant thermique, c'est de l'air. Et comment le dériver à l'intérieur ? C'est pas pur, mais... ça me sauve. Allez, dernière ligne droite. Ma combinaison devrait s'alourdir, mais je ne sens rien. La température est... Le câble semble me tirer. Je le lâche. Je vois mon reflet fatigué sur la surface intérieure de l'eau et me laisse porter en lévitation. Le verre de mon casque fait lui aussi miroir. Les reflets s'emboîtent sans fin avant que je ne les traverse pour atteindre la surface. Tellement longtemps qu'il n'a pas caressé mon visage. Ça me donne des frissons. La lumière du soleil est tellement forte, je n'y vois encore rien. Les couleurs me reviennent. Je suis sous un ciel rouge, comme ma rose. Est-ce l'aube ou le crépuscule? J'en ai pas la moindre idée. Bon. Et maintenant, c'est bien beau, mais... Quelle chaleur. Le soleil me paraît gigantesque. Quelque chose goûte. Ça n'a pas l'air d'être de la pluie. Et il y a des ombres bizarres. De la glace ! Oh merde ! Des icebergs en lévitation qui tournent et fondent sous un soleil beaucoup trop près. Bordel, je sors de l'eau, comme happé. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? La gravité a changé? Je suis dans les airs, je vole. Je vole à 5 mètres au-dessus de l'océan. Attiré par quoi? Et comment? Le soleil n'est pas plus près. C'est la couche d'ozone. Ils l'ont modifiée. Alors c'est ça, la loupe. Un effet secondaire. Qu'importe, je vole. Je vais rejoindre les étoiles, les vraies. Ça brûle. Putain, ça brûle. Ma combinaison prend feu. Non! J'aurais dû plonger dans les abysses.